en les suivant dans toutes leurs opérations. Comme il s'écria, comme il mit avec joie un de ses microscopes dans les mains de son compagnon de voyage. « Je les vois, disait-il tous deux à la fois. Ne les voyez-vous pas qui portent des fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent ?» Et en parlant ainsi, leurs mains tremblaient par le plaisir de voir des objets si nouveaux et par la crainte de les perdre. Le Saturnien, passant d'un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu'il travaillait à la propagation. « Ah, disait-il, j'ai pris la nature sur le fait. » Mais il se trompait sur les apparences, ce qui n'arrive que trop, soit qu'on se serve ou non de microscope. Chapitre 6e. Ce qui leur arriva avec des hommes. Microméga, bien meilleur observateur que son nain, vit clairement que les atomes se parlaient, et il le fit remarquer à son compagnon, qui, honteux de s'être mépris sur l'article de la génération, ne voulut point croire que de pareilles espèces puissent se communiquer des idées. Il avait le don des langues aussi bien que le syrien. Il n'entendait point parler nos atomes, et il supposait qu'il ne parlait pas. D'ailleurs, comment ces êtres imperceptibles auraient-ils des organes de la voix, et qu'auraient-ils à dire? Pour parler, il faut penser, ou à peu près. Mais s'ils pensaient, ils auraient donc l'équivalent d'une âme. Or, attribuer l'équivalent d'une âme à cette espèce, cela lui paraissait absurde. Mais, dit le Syrien, vous avez cru tout à l'heure qu'il faisait l'amour. Est-ce que vous croyez qu'on puisse faire l'amour sans penser et sans proférer quelques paroles, ou du moins sans se faire entendre? Supposez-vous d'ailleurs qu'il soit plus difficile de produire un argument qu'un enfant? Pour moi, l'un et l'autre me paraissent de grands mystères. Je n'ose plus ni croire ni nier, dit le nain. Je n'ai plus d'opinion. Il faut tâcher d'examiner ces insectes. Nous raisonnerons après. C'est fort bien dit, dit Microméga. Et aussitôt, il tira une paire de ciseaux dont il se coupa les ongles, et d'une rognure de l'ongle de son pouce, il fit sur le champ une espèce de grande trompette parlante, comme un vaste entonnoir, dont il mit le tuyau dans son oreille. La circonférence de l'entonnoir enveloppait le vaisseau et tout l'équipage. La voix la plus faible entrait dans les fibres circulaires de l'ongle, de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de là-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos insectes de là-bas. En peu d'heures, il parvint à distinguer des paroles, et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoique avec plus de difficulté. L'étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des mythes parler d'assez bon sens. Ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien que le Syrien et son nain brûlait d'impatience de lier conversation avec les atomes. Il craignait que sa voix de tonnerre, et surtout celle de Microméga, n'assourdît les mythes sans en être entendu. Il fallait en diminuer la force. Ils se mirent dans la bouche des espèces de petits cure-dents, dont le bout, fort effilé, venait donner auprès du vaisseau. Le Syrien tenait le nain sur les genoux, et le vaisseau avec l'équipage sur un ongle. Il baissait la tête et parlait bas. Enfin, moyennant toutes ses précautions et bien d'autres encore, il commença ainsi son discours. Insectes invisibles, que la main du Créateur s'est plu à faire naître dans l'abîme de l'infiniment petit, je le remercie de ce qu'il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. Peut-être ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour, mais je ne méprise personne, et je vous offre ma protection. Si jamais il y a eu quelqu'un d'étonné, ce furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d'où elles parlaient. L'aumônier du vaisseau récita les prières des exorcismes, les matelots jurèrent, et les philosophes du vaisseau firent un système. Mais quelque système qu'ils fissent, ils ne purent jamais deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui avait la voix plus douce que Microméga, leur apprit alors, en peu de mots, à quelles espèces ils avaient affaire. Il leur conta le voyage de Saturne, les mit au fait de ce qu'était M. Microméga, et après les avoir plaints d'être si petits, il leur demanda s'ils avaient toujours été dans ce misérable état, si voisin de l'anéantissement, ce qu'ils faisaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines, s'ils étaient heureux, s'ils multipliaient, s'ils avaient une âme, et cent autres questions de cette nature. Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres, et choqué de ce qu'on doutait de son âme, observa l'interlocuteur avec des pinules braquées sur un quart de cercle, fit deux stations, et à la troisième il parla ainsi. « Vous croyez, monsieur, parce que vous avez 1000 toises depuis la tête jusqu'aux pieds, que vous êtes un… »« 1000 toises ? » s'écria le nain. « Juste au ciel ! D'où peut-il savoir ma hauteur ? 1000 toises ! Il ne se trompe pas d'un pouce !»« Quoi ? Cet atome m'a mesuré ? Il est géomètre, il connaît ma grandeur. Et moi qui ne le vois qu'à travers un microscope, je ne connais pas encore la sienne. » « Oui, je vous ai mesuré, dit le physicien, et je mesurerai bien encore votre grand compagnon. » La proposition fut acceptée. Son Excellence se coucha de son long, car s'il se fût tenu debout, sa tête eût été trop au-dessus des nuages. Nos philosophes lui plantèrent un grand arbre dans un endroit que le docteur Swift nommerait, mais que je me garderais bien d'appeler par son nom à cause de mon grand respect pour les dames. Puis, par une suite de triangles semblables, ils conclurent que ce qu'ils voyaient était en effet un jeune homme de 120 000 pieds de roi. Alors Micromégas prononça ces paroles. Je vois plus que jamais qu'il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. Ô Dieu qui avait donné une intelligence à des substances qui paraissent si méprisables, l'infiniment petit vous coûte aussi peu que l'infiniment grand. Et s'il est possible qu'il y ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces superbes animaux que j'ai vus dans le ciel, dont le pied seul couvrirait le globe où je suis descendu. Un des philosophes lui répondit qu'il pouvait en toute sûreté croire qu'il est en effet des êtres intelligents beaucoup plus petits que l'homme. Il lui conta, non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux sur les abeilles, mais ce que Swammerdam a découvert et ce que Réaumur a disséqué. Il lui apprit, enfin, qu'il y a des animaux qui sont pour les abeilles ce que les abeilles sont pour l'homme, et que le Syrien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait ce que les grands animaux sont pour d'autres substances devant lesquelles ils ne paraissent que comme des atomes. Peu à peu, la conversation devint intéressante, et Micromégas parla ainsi. Chapitre 7e. Conversation avec les hommes. Ô atome intelligent, qui, dans l'être éternel, sait plus à vous manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe. Car, ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur. Mais il est ici, sans doute. » À ce discours, tous les philosophes secouèrent la tête, et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l'on en accepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. « Nous avons plus de matière qu'il nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière, et trop d'esprit si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a 100 000 fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use en temps immémorial. » Le Syrien frémit et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques tas de boue, grands comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétende un fétu de ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme, qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu, ni ne verra jamais, le petit coin de terre dont il s'agit. Et presque aucun de ces animaux, qui s'égorgent mutuellement, n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. Ah, malheureux! S'écria le Syrien avec indignation. Peut-on concevoir cet excès de rage forcenée? Il me prend envie de faire 3 pas et d'écraser de 3 coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Ils travaillent assez à leur ruine. Sachez qu'au bout de 10 ans, il ne reste jamais la 100e partie de ces misérables. Sachez que, quand même ils n'auraient pas tiré l'épée, la faim, la fatigue ou l'intempérance les emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir. Ce sont ces barbares sédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre 1 million d'hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement. Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine dans laquelle il découvrait de si étonnants contrastes. « Puisque vous êtes du petit nombre de sages, dit-il à ces messieurs, et qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez ?»« Nous disséquons des mouches, dit le philosophe. Nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres. Nous sommes d'accord sur 2 ou 3 points que nous entendons, et nous disputons sur 2 ou 3 000 que nous n'entendons pas. » Il prit aussitôt fantaisie aux Syriens et aux Saturniens d'interroger ces atomes pensants pour savoir les choses dont ils convenaient. « Combien comptez-vous, dit-il, de l'étoile de la canicule à la grande étoile des Gémeaux ?» Ils répondirent tous à la fois. « 32,5 degrés. »« Combien comptez-vous d'ici à la Lune ?»« 60 demi-diamètres de la Terre en nombre rond. »« Combien pèse votre air ?» Il croyait les attraper, mais tous lui dirent que l'air pèse 900 fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère, et 1900 fois moins que l'or de Ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leur réponse, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant. Enfin, Microméga leur dit « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme, et comment vous formez vos idées ?» Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l'autre prononçait le nom de Descartes, celui-ci de Malebranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance. L'âme est un entéléchi et une raison par qui elle a la puissance d'être ce qu'elle est. C'est ce que nous déclare expressément Aristote, page 633 de l'édition du Louvre. « Je n'entends pas trop bien le grec, dit le géant. « Ni moi non plus, dit la mythe philosophique. « Pourquoi donc, reprit le Syrien, citez-vous un certain Aristote en grec ?»« C'est, répliqua le savant, qu'il faut bien citer ce qu'on ne comprend point du tout dans la langue qu'on entend le moins. » Le cartésien prit la parole et dit « L'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques et qui, en sortant de là, est obligée d'aller à l'école et d'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien su et qu'elle ne saura plus. » « Ce n'était donc pas la peine, répondit l'animal de 8 lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère pour être si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. « Mais qu'entends-tu par esprit ?»« Que me demandez-vous là ? » dit le raisonneur. « Je n'en ai point d'idée. On dit que ce n'est pas de la matière. »« Mais tu sais au moins ce que c'est que de la matière. »« Très bien, répondit l'homme. Par exemple, cette pierre est grise et d'une telle forme. Elle a ses 3 dimensions, elle est pesante et divisible. »« Eh bien, dit le Syrien, cette chose qui te paraît être divisible, pesante et grise, me dirais-tu bien ce que c'est ? Tu vois quelques attributs, mais le fond de la chose, le connais-tu ? Non, dit l'autre. Tu ne sais donc point ce que c'est que la matière. » Alors, monsieur Microméga, adressant la parole à un autre sage qu'il tenait sur son pouce, lui demanda ce que c'était que son âme et ce qu'elle faisait. Rien du tout, répondit le philosophe malebranchiste. C'est Dieu qui fait tout pour moi. Je vois tout en lui. « Je fais tout en lui. C'est lui qui fait tout sans que je m'en mêle. »« Autant vaudrait ne pas être, » reprit le sage de Sirius. « Et toi, mon ami, » dit-il à un Leibnizien qui était là, « qu'est-ce que ton âme ?»« C'est, » répondit le Leibnizien, « une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne. Ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre les heures. » ou bien mon âme est le miroir de l'univers, et mon corps est la bordure du miroir. Cela est clair. » Un petit partisan de Locke était là tout auprès, et quand on lui eut enfin adressé la parole. « Je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas. Mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Je révère la puissance éternelle. Il ne m'appartient pas de la borner. Je n'affirme rien. Je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. » L'animal de Sirius sourit. Il ne trouva pas celui-là le moins sage. Et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tout le secret, que cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes, et leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leur ventre allaient et venaient, et dans ces convulsions, le vaisseau, que le Syrien avait sur son ongle, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrent longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mites. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur, de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie, écrit fort menu pour leur usage, et que dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ. On le porta à Paris, à l'Académie des sciences. Mais quand le secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. « Ah, dit-il, je m'en étais bien douté. » Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.